j'étais au téléphone pendant la pause musicale et j'ai une auditrice qui a tellement aimé ma dernière improvisation qu'elle veut que je continue le processus. Alors, on y va avec manquer, point, rentrer, rester et suivre. Manquer, point, rentrer, rester et suivre. Et n'oubliez pas que... voudra dire que les cinq mots ont été utilisés, mais je poursuis l'improvisation. Aujourd'hui, j'ai pris du soleil. Hey, pour une des premières fois, mais j'ai manqué. J'ai manqué puisque je suis resté trop longtemps. Le soleil était au point, au méridien même, qui me réchauffait l'hypophyse, et j'ai même pas voulu rentrer à l'intérieur pour me cacher et suivre ainsi les belles paroles de ma mère qui disait à trop rester au soleil. On devient comme le homard, on rougit. Mais moi, ma blague, attention, êtes-vous prêts à ma blague? Êtes-vous assis? Je vais attendre quelques secondes, OK? Ma belle, trouvez un siège, quelque chose, là, parce qu'elle est désopilante, ma blague. Êtes-vous assis, là? Pas encore. Essayez aussi de rester assis dans votre tête. Autant physiquement, intellectuellement, position assise, toujours bien. Prêt à recevoir, comme d'habitude, comme d'hab. Donc, je suis prêt à vous lancer ma vanne. Mais vous n'êtes pas encore assis. Ah, non, il manque l'intellectuel. Assis, couchez. Assis. On va se coucher bientôt, là. Ensemble, mes chanceuses. Vous êtes assis? Bon. Imaginez-vous! Et là, c'est la blague, hein? Rougis. Moi, je rougis. Mais Carla, brunis. Hey, il y a quelqu'un, je ris comme ça, là. Mais il y a quelqu'un, une cliente, qui en met, là. Mais qui en met, là? Qui en met tellement épais, l'épaisse que c'est ridicule. Elle rit pas. Elle est là. Puis la force, on sent que ça force, là. C'est comme un peu rouillé, là. Quand ta corde à linge, là, ta poulie de la corde à linge, là, fait puis tu sens que ça tire, puis ça fonctionne pas. Elle est comme ça, elle. Elle a la poulie rouillée. Je répète, elle a la poulie rouillée. On la refait une autre fois. Elle a la poulie rouillée. C'est épouvantable. Mais-en pas trop, Marie-Étienne. Mais-en pas trop. Tout le monde va bien voir que t'es artificiel. Mais aujourd'hui, en 2018, quand t'es artificiel, t'es dans le... Comme disait Pierre Lalonde, t'es dans le... T'es dans le vent. Non, parce que j'ai comme eu une discussion avec moi-même en même temps. T'es dans le vent. Donc, tu es artificiel, t'es dans le vent. Puis quand tu commences à trouver que les biscuits que tu as achetés goûtent bon, ben tu dis merci au chimiste qui a trouvé les ingrédients et surtout la posologie exacte pour me donner un biscuit qui ressemble étrangement à ce que je cherche depuis des années. J'en nommerai pas, là, parce que là, je vais balancer des marques et je veux pas non plus, hein. Je fais pas de pub, puis on m'enverra pas des biscuits gratos. Mais vous savez ceux, là, enrobés de chocolat avec la guimauve, là? C'est malo. On l'a entendu que j'essayais de rentrer dans un autre... dans le silence, il y avait quelque chose, là. Oh, moi, je suis comme ça. Moi, je peux pas garder ça pour moi. Oh. Mais il y en a qui sont... Hein? Il y en a qui sont incapables. Là, la lumière vient de tomber à terre. Là, il y a un SOS. L'ampoule vient de me quitter. Mais c'est pour peine. C'est un signal. Comme disait le pied de poule, là, c'est un signal. Dansons le pied de poule. Mais non, on ne dansera pas le pied de poule. On va chanter, on va danser avec nos amis français qui chantent en anglais. Coming back in 2 days. Two weeks, answer to them. How some people, die. Aujourd'hui, le lundi 9 juillet 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs nous pour nous. Et, comment? Pour nous, en nous, cherchez-vous, c'est ici, Manou. Je réécoutais tantôt, au soleil, un album concert de mon ami Renaud à l'Olympia. À Bobino. Puis là, j'ai cherché longtemps la comment qu'elle s'appelle, donc? Bobinette. J'ai cherché longtemps Bobinette, pas trouvé. Trouvé Bobino, pas Bobinette. Et puis, c'était excellent. J'étais allongé sur ma chaise. Puis c'est vrai l'histoire là, de rougir et mes cinq mots, là. C'est une histoire vécue, là. C'est pas uniquement l'improvisation. Donc, pendant au moins 55 minutes, Renaud me rappelait ses grands succès. Ta-la-la! Le chanteur énervant, comme il disait à CKRL, parce qu'on avait une idée. Comment ça va bien, toi? Oui. J'essaie d'apprendre le chinois, puis ça s'en vient. L'identification de la station, c'est ça une idée, identification de la station, et Renaud faisait « Talalala, c'est Renaud, le chanteur emmerdant, vous écoutez CKRL ». À l'époque, on ne disait pas CKRL, le 89,1, on disait CKRL. Ben, quand tu le dis, tu ne dois pas dire la virgule. Hein? Non. Tout est dans la virgule, dans l'écrit, mais dans l'oralité, t'extirpes. J'aime ça dire « extirper », on dirait que ça... C'est dans mes mots préférés. Vous l'avez remarqué, madame? Aujourd'hui, le lundi, on est toujours le lundi. Ça n'a pas trop changé. Là, la terre tombe, mais moi aussi un petit peu. Le 9 juillet 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. C'est lourd, hein, des valises, comme disait Brel, une valise dans chaque main. C'est dans quelle chanson? Connaissez-vous vos classiques? Une valise dans chaque main. Jacques Brel, je vous laisse quelques secondes. C'est dans Les Timides. Les timides, ça se tortille, ça se tortille, ça mentille, ça danse, la la la la la. J'ai pas la mélodie. Pardon. Merci. Alors, on aurait dit une complexité musicale. Il y avait comme la chanson sous le menton de Jacques Brel, là, Les Timides, mélangée avec le au granola. Au granola, erreur de nos aïeux, ton sein en plomb fait du rang glorieux. Aujourd'hui, le lundi, on l'a dit, on l'a encore dit, on l'a redit, le 9 juillet, ça n'a pas trop changé, comme je l'ai dit. L'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un Qui? C'est qui? C'est Raymond qui m'a soufflé dans le tympan de l'oreille. Ça fait mal. Ça fait mal parce que, elle a un langage assez cru, puis elle a un souffle aussi aiguisé que son langage. Donc, imaginez-vous des lames te rentrer dans le tympan. Oh, ça fait mal, mais on résiste. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Elsa Saladin. Elsa Saladin, comédienne, actrice. Puis j'ai sorti sa fiche, je ne sais pas si je l'ai perdue en cours de route. J'ai bien peur que oui. Mais en tout cas, metteur en scène, vie exceptionnelle, dame incroyable. Et puis, c'est intéressant de savoir là, comment j'ai vu arriver la vedette. Elle était en scooter. Mais il y avait de la pluie. Ça tombait de la pluie, là, puis elle était là. À travers tout ça, son habit de pluie. Et moi, j'osais presque chanter. Toute la pluie tombait sur elle. Mais moi, je. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Une demoiselle sublime. Très belle jeune fille. Très belle dame. Comédienne exceptionnelle. Et déjambée, parce qu'on dit enjambée, mais déjambée. C'est un nouveau terme. Ça veut dire quand t'enjambes, tu déjambes après. Ça s'est jamais dit avant, là. C'est nouveau. Moi, j'enjambe mon scooter, puis après ça, je le déjambe. Fait qu'elle a déjambé son... Je sais pas si c'est un scooter ou une moto, mais je crois que c'est un scooter. Et là, non, c'est vrai, on peut pas déjamber un scooter puisqu'on a les pattes en avant. On est les jambes en avant. On n'est pas comme un cheval, là, comme disait encore Brel. Quand j'étais cheval, un cheval mal rayé. Il se prenait pour un zèbre. Mais non, mon invitée, elle se prend pour absolument rien d'autre qu'une femme extraordinaire. Je m'arrête là parce que je pourrais déraper très longtemps. Mais je veux lui laisser de la place, un espace et du temps. Et ça commence maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? On y va. Nous avons marché ensemble, si souvent promenade. Au milieu des champs, le soleil et le vent, l'air frais de la campagne. Nous avons marché ensemble, dans les grandes avenues. Sur les places et les parkings, et parfois j'étais perdue. À te suivre. Maintenant je ne marche plus, tu t'éloignes, je te croise au coin des rues. Pour te perdre. Nous avons marché ensemble, si souvent promenade. Course folle et embuscade, dans les vagues et le sable. Nous avons marché longtemps, j'étais là. Tous les chemins mènent à Rome, tu disais. Hélas, je ne m'y trouve pas. Trouve-moi. Car maintenant je ne marche plus, tu t'éloignes, je te croise au coin des rues. Nous avons marché ensemble, ensemble, si souvent promenade, course folle et embuscade, embuscade dans les vagues et le sable. Nous avons marché longtemps, longtemps, j'étais là. Tous les chemins mènent à Rome, tu disais, hélas, je ne m'y trouve pas. Trouve-moi, trouve-moi, trouve-moi. Car maintenant je ne marche plus, tu t'éloignes, je te croise au coin des rues. Pour te perdre, pour te perdre, pour te perdre. Car maintenant je ne marche plus, je te regarde, je te croise au coin des rues. Pour te perdre, pour te perdre, pour te perdre. Est-ce que tu veux que je me déplace ou... Non, j'arrive. Tu as évité la pluie? Ah non, je me la suis prise, mais... Ah oui? Mais t'arrives de loin? J'arrive de Port-d'Orléans. Ah ben non, c'est pas... Ah, puis ici, on n'a pas eu de pluie. Ah, mais j'ai eu alors des troubles d'eau, puis il m'est arrivé un truc. J'ai très compté. Oui. Il y a un gars qui a coulé, à mon avis, un peu vite, en bagnole à côté de moi, et qui dit, il y a des grosses flaques. Des portes, oui. Parfois il y a des. Oui. Il y a des flaques qui sont passées à côté de toi. Tu plouches. Mais ça paraît pas. Je suis trompée en fait. Il m'a aspergé et le mec, j'arrivais même plus à conduire tellement il y avait d'eau autour de moi, tu vois, donc j'étais comme ça. Et je hurle spontanément. Ouais. S'il y a quelqu'un derrière moi. Oh, ouais. Voilà. Alors je dis jamais un gros mot, tu vois. Et le mec, je le vois arriver derrière parce que j'étais là, j'étais trompée. J'en avais plein les lunettes, j'avais tout le mascara qui avait plus. Il se gare à côté de moi et il était mort de rire, mais je suis désolée. Ah ben au moins, ok, ben il s'est excusé. Oui, mais ben, il est tellement ouais. Fou, ça m'a énervé. Ouais, ben après, oui. J'ai rigolé toute seule, mais... Okay, mais... Et j'étais déjà trompée, il m'est arrivé un autre truc avant, je me suis dit, mais ils veulent pas que j'arrive ou quoi? Ben voyons, il se passe des choses à Paris. Attends, mais depuis 12 heures, c'est 12 heures? 12 heures. J'ai dû prendre un train de nuit pour rentrer de Nice. Mais c'est-tu juste pour ma rencontre ou c'était prévu? De quoi? Ben, prendre le... Je vais prendre un avion hier soir, et il a été annulé à cause des intempéries. Je mets mes trucs là, parce que si c'est... Ok. Et... Oh, c'était sympa le train de nuit, mais bon, c'était pas prévu, quoi. Ok, mais... Est-ce que parce que t'avais des choses à faire, ou si tu viens ici... Non, je me sais... Oui, non, mais attends, j'habite à Paris, je me sais pareil. J'étais hier pour le boulot à Nice. Ok. Ah, tu fumes aussi? Non, non, c'est... Non. Toi, oui? Ouais, ok. Bah non, mais c'est non, vas-y. Je me suis fumé ma clope pour me détendre en arrivant. Ah non, mais tu peux fumer, ça... moi, ça me dérange pas, hein. J'ai aucun problème avec ça. Et veux-tu qu'on place ça ici? C'est plus sécuritaire, hein? La sacoche? Non, je vais le mettre, en fait, c'est qu'elle était trempée. Ok. C'est... Ah oui, c'est vrai, trempée. C'est vrai. Voilà, j'étais trempée comme ça. Mais tu t'es vraiment fait... Ah, mais regarde mon pantalon. Mais mon... ça, est-ce que c'est mouillé? Ça, c'est même mouillé, là. C'est d'un... Ah, c'est... Mais ça sèche. Ouais, ça sèche, ça. Ouais. Mais ça te montre la puissance du truc, quoi. Hey, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah, ouais. Puis le visage aussi, heureusement que t'avais ah, le casque. J'avais les lunettes, j'avais le casque fermé, les lunettes. J'en avais plein les lunettes, quand même. T'as-tu un scooter ou c'est une moto? Ouais, c'est scooter. Ah, moi aussi, je suis un scooter. Mais moi, c'est un scooter électrique. Tu sais que je vais peut-être en prendre un. Ok, mais moi, tu sais que le scooter électrique, il y a quelques... Il y a quelques trucs que tu dois savoir. Chez nous, c'est 32 km. Ah oui, parce qu'il faut que tu recharges après. Pas du... Non, la vitesse, 32 km. Parce merci. Que moi, ce que j'ai voulu, c'est... En fait, c'est considéré comme un vélo. Ah, ben ouais. Parce que moi, je veux pas payer de permis, je veux pas payer des plaques, je veux rien payer. Ce que je veux, c'est me mouvoir sans rien payer. Donc, au Québec, ce qu'on peut avoir, c'est un scooter électrique. Alors, ça va à 32 km, ça, c'est la rapidité. Ouais. Je peux aller à 70 km, ça, c'est la distance. D'accord. Ah oui, t'as quand même une bonne... Oui, une bonne autonomie. Mais, oui, mais au début, quand t'es pas habitué, c'est bien beau, tu peux te mouvoir. Mais il faut que tu penses à revenir. Ça, c'est... Ah oui, tous ah, ben, les évidemment. Gens qui ont commencé... Oui, mais ça a l'air simple. Mais tu t'es, tout tu t'es le monde... Parce que tu peux pas le savoir. L'indicateur peut te dire que la pile est pleine, ok, que la pile est chargée au complet, mais rapidement, en tout cas moi, dans mon cas, puis j'en connais beaucoup qui sont là, qui arrivent à ce constat-là, on apprend très rapidement que la pile est vers la fin, à la toute dernière, presque à la dernière tranche,

Oui. Dans les scénarios, oui. On demande à ce qu'il y ait plus de rôles de femmes écrits, on demande à ce qu'il y ait plus de scénaristes femmes qui aient le droit d'écrire, plus de réalisatrices. Donc ça prend une ampleur vachement intéressante. Il y a eu des colloques avec des sociologues invités et tout. Non, ça va bien bouger. Aujourd'hui, on va se raccorder, on va toucher un peu à l'actualité. Simone Veil n'est plus. On parle de femmes. Est-ce qu'elle t'a apporté beaucoup, Simone Veil? Crois-tu qu'elle a apporté beaucoup aux femmes? Moi, je pense. C'est une des femmes qui a marqué... Moi, dans les années 80, je la voyais souvent sur les réseaux français. C'était la femme, la ministre qui était... Elle s'est vraiment battue pour les femmes, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. On a eu quelques figures emblématiques comme ça, hyper fortes. Oui. Mais voilà, on se dit que s'il y a des figures emblématiques, c'est qu'il y avait vraiment du chemin à faire. Et qu'il y avait un problème. Ouais. Et on n'en est pas sorti, je trouve même qu'il y a une régression. Oui. Et mon invité d'avant aussi. Ben oui, non, mais je pense que c'est une réalité, ça. Parce qu'on parlait d'intimidation dans la rue. Ouais, il y a ça. Tu vois qu'au Québec, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ma fille, elle a 26 ans, et c'est jamais fait, supplée peut-être, mais jamais intimidée, jamais grossièreté, absolument rien. Mon invité de tout à l'heure, elle va en Angleterre, et c'est même pas arrivé encore en Angleterre, ce genre de truc-là. Ouais, mais en Angleterre, il y a d'autres trucs. Moi, j'ai croisé un gars il y a quelques temps, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué à l'hôpital. J'avais une très, très bonne amie qui est décédée depuis, qui était très malade, et on était à plusieurs, on discutait dehors. Il y avait un black adorable qui avait beaucoup de mal à parler, qui était en fauteuil roulant, qui en fait était allé bosser en Angleterre et s'était fait tabasser une nuit, matraquer le cerveau, il pouvait plus parler. Pourquoi? Comme ça, crime racial. Ah oui, ok. Ça faisait deux ans et demi qu'il était en fauteuil parce qu'il s'était fait bastonner à la sortie de son resto à Londres. Tu vois. Okay. Et sa vie était terminée. Mais on parlait des femmes, là. Ça c'est encore moins. J'ai dévié sur les minorités. Ok, je comprends. Vrais, ouais. Je me dis. Moi j'ai du pot, je suis qu'une femme blanche, tu vois. Mais t'es une femme noire ou d'Afrique du Nord, tu vois. Ouais, ouais. Il y a encore beaucoup, beaucoup de. C'est vrai, de préjugés. Mais Simone Veil a quand même collaboré un peu à améliorer. Beaucoup. Ouais. Beaucoup sur la condition des femmes au niveau de la maternité, sur plein de choses. Hein. Benoît de Sarreau aussi. Oui, complètement. Ouais. Qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, mais là, il y a. Bon. Deux grandes femmes qui nous ont quittés. Je crois que Benoît, ça fait pas très longtemps. Je sais plus quand c'était, je ne sais pas les dates. Deux, trois semaines, même pas. Oui, c'est ça. C'est voilà, alors c'est deux piliers du féminisme qui quittent la Terre. Je sais pas comment tout ça va. Mais au moins en parler. Ouais. C'est quand même intéressant, là. Mais oui, puis c'est bien de leur rendre hommage. Moi, je regardais Facebook tout à l'heure, sur tous les profils des gens que je connais, il y a que des hommages à elles, des extraits. Oui, ben, il faut, parce que c'est des gens qui ont défriché et qui voyaient qu'il y avait une anomalie, un problème. Donc, est-ce que tu te considères comme féministe? C'est une bonne question. Je me considère plutôt comme humaniste, en général, je pense. C'est beau. Moi, je travaille plus sur la condition des enfants, en fait, depuis quelques années. Donc, ça rejoint la condition des femmes, si tu veux. Mais je travaille beaucoup autour d'un grand pédagogue qui s'appelait Janusz Korczak, qui est mort en déportation en 1942, qui était juif polonais. Okay. Et qui, lui, s'est beaucoup battu aussi pour la condition des enfants, les droits des enfants. Donc, ça rejoint beaucoup, beaucoup la condition des femmes, parce que c'est lié. Ouais. C'est aussi souvent les femmes qui éduquent les enfants. Bah oui. Voilà, mais je travaille beaucoup surtout sur les droits des enfants. Mais est-ce que tu considères un enfant de 0 jusqu'à 18 ans ou Ouais. OK. Et est-ce que c'est le fait que tu peux pas en avoir qui te... Alors non, parce que je me suis intéressée au personnage avant de savoir que je pouvais pas avoir d'enfant. Okay. C'est pas ça. OK. Et ça m'est arrivé par hasard, comme plein de choses dans ma vie. J'avais des élèves et on nous a demandé de monter un spectacle sur les droits des enfants. Et moi, j'y connaissais absolument rien. C'était en 2010. OK. Et en faisant des recherches, je tombais tout le temps sur ce nom, Janusz Korczak, que je connaissais pas du tout.

destinée aux enfants. Je crois pas vraiment la littérature destinée aux enfants. Il y a de la littérature, il y a du cinéma. Et donc, ce qui plaît aux enfants, c'est quand on parle d'eux. Donc, François Truffaut était un des bons metteurs en scène où il mettait en évidence ses enfants. Il avait une facilité avec les enfants, autant qu'avec les femmes. Mes réalisateurs préférés. Oui. Truffaut, à moi, oui. Ben, imagine-toi donc, en 76, ça a créé un trou parce que les enfants n'étaient plus représentés. Il y a eu beaucoup moins de films où on voyait des enfants au cinéma. Et c'est ça, quand on parle d'enfants, on parle aussi de côté plus sauvage, plus authentique, moins travaillé, moins... Tu sais, il n'y a pas d'égo, c'est ça. Il y a le metteur en scène ou le réalisateur qui travaille avec l'enfant. Donc, c'est lui qui dirige. Je le mets un peu davantage. Va chercher. C'est le travail aussi du metteur en scène, du réalisateur qui doit filtrer un peu parce que les enfants sont très sensibles. Donc, c'est d'essayer de sortir le meilleur d'eux sans les troubler. Et Doyon, tiens, le deuxième, c'est Jacques Doyon qui travaille beaucoup avec les enfants. Ouais. La Drôlesse, qui est un film extraordinaire. Magnifique. Ah, voilà, tu connais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, qui est un discours philosophique, parce que c'est un philosophe avant tout, Doyon, et qui remet des choses et qui valorise les enfants. C'est ça qui, aujourd'hui, il y en a moins. Non, mais on est dans un vrai creux depuis les années. Il y a eu après. Voilà, à part ce 65, 70, 75, 80, il y avait vachement la place. Oui, les enfants. Ouais. Il y a Dolto qui est arrivé. Oui, François Dolto. Il y avait toutes les théories de Montessori, de Freinet qui ressortaient. Ben, Korczak, Janusz Korczak était assez à la mode. Okay. Chez les psys, les éducateurs, tout le monde a vu Korczak, machin. Okay. Et là, il y a vraiment, on sent que bon, ben, les droits des enfants, c'est bien, mais il ne faut pas trop non plus leur... En même temps, c'est vrai que les enfants, ils ont besoin d'être cadrés. Ouais. Hein. Mais... Moi, je suis une enfant de 68 ans, j'ai bien vu ce que c'était le manque de cadre aussi. Tu vois, besoin d'être cadré pour pouvoir s'épanouir, mais il faut l'expression aussi. C'est vrai, effectivement. Puis aujourd'hui, on met beaucoup en question le fait d'élever un enfant. Est-ce qu'on est dans la bonne direction parce que la fessée n'a plus sa place? Dialoguer avec l'enfant qui voit un peu le jeu, qui essaie de s'en tirer parce que c'est des manipulateurs incroyables. Donc, moi, je me rappelle quand je faisais... T'as pas d'enfants, toi, non plus? Si, ben, c'est pas les miens. C'est pas les tiens? Non. T'as des enfants de cœur? En fait, moi, j'ai toujours, je sais pas, depuis quelques années, j'ai des copines qui étaient soit enceintes ou qui avaient déjà des enfants. Donc, j'étais le gars qui prenait la fille parce que le gars était trop violent. Puis, elle voulait pas vivre avec un homme violent, donc elle voulait pas avoir de la grossesse. Et toi, tu t'es beaucoup occupée du droit des femmes, alors? Oui, à ma façon, oui, très singulièrement, là. Individuellement, mais j'ai étrangement un suivi des enfants, moins des mères. Mais c'est magnifique, mais moi aussi. Toutes les filles, parce que c'est juste des filles, sont majeures aujourd'hui. Elles ont entre 19 et 25 ans. Puis on serait aux anniversaires, je les invite. Ah, c'est super. C'est ça. Et donc, moi, je suis pas le parent, donc ils me racontent leurs histoires amoureuses et leurs problèmes. Et voilà, moi, je suis considéré comme le cool. Le gars qui a pas de préjugés, qui est... qui est là artistique. En même temps. Oui, mais aussi le gars qui est un peu rêveur, l'artiste. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est les enfants, c'est les adultes de demain. Mais complètement, c'est notre avenir. C'est les politiciens, c'est eux qui vont faire le monde. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et toi, au théâtre, est-ce que tu travailles beaucoup avec eux? Mais moi, je travaille et avec eux et pour eux, parce que je donne des cours de théâtre dans les écoles primaires. OK. Et donc, on fait beaucoup de théâtre forum, d'improvisation pour que je leur... Tu fais des stages ou tu fais des ateliers? Non, en école, je fais des ateliers. OK. En France, tu as un système, c'est une réforme qui a 3 ou 4 ans, qui était un peu mal foutue au départ, qui prend ses marques, où le mardi et le vendredi, les gamins s'arrêtent à l'école à 15h et puis à 16h30 et ils ont des ateliers. Il y a combien d'heures? C'est 1h30, mais quand tu dois déplacer les gamins de l'école, les sortir et tout, l'atelier dure 3 quarts d'heure, 1h maxi. Ok, c'est pas toi qui vas sur place? Alors tu vas sur place, tu les prends, tu les amènes dans des centres à l'extérieur ou bien tu restes sur place avec eux dans l'école. Ça dépend de ce que tu fais comme activité. Okay. Moi avec le théâtre, dans les classes, c'est pas pratique, donc je vais dans des centres d'animation après. Ok. Et donc j'ai une fois par semaine un atelier théâtre avec les gamins et ça change tous les 3 mois. Mais je bosse dans la même école depuis... Mais t'as-tu les mêmes enfants? Tous les 3 mois, ça change, mais j'ai des groupes de 12 enfants. Alors, tu peux pas évoluer, tu peux pas travailler sur un thème, puis faire... Alors, je choisis le thème à chaque fois avec eux, puis avec la prof de danse. Ouais, c'est rapide. Okay. des petits spectacles de 3 mois, puis il y en a que je retrouve d'une année à l'autre. Et puis j'ai aussi un atelier stand-up. Ouais, c'est ouais. En fait, ça, non, mais rien ça dire peut être bien. Oh, ouais. J'ai un atelier où j'ai des élèves de 12 ans à 80 ans. Ah, ok, ça c'est bien ça. Et où ils travaillent en fait le théâtre, l'info, l'écriture. Et il y en a qui montent sur scène maintenant, qui sont devenus pros. Mais pourquoi génial. Tu fais pas ça dans le privé? Je fais ça, enfin. Parce que privé, ça peut être intéressant. Là. Tu peux offrir tes services et les parents font affaire avec toi. Donc tu fais un petit groupe d'enfants. Tu suis un petit groupe d'enfants de peut-être de 7 ans jusqu'à 12-15 ans. Donc tu les suis. Tu peux monter des projets, faire du théâtre, du cinéma. Ouais, alors, j'ai jamais fait dans le privé parce que j'ai fait des stages dans le privé et que faire de la diffusion, chercher les gens, chercher la salle, ça, je veux plus. Okay. Brigitte, elle est comme moi, on en a parlé il y a pas longtemps, non. Ah ouais, ouais. Par contre, à partir du moment où tu as besoin des structures, t'apportes ton travail, ton savoir-faire, toi. C'est plus facile. Par contre, c'est la structure qui apporte tes élèves. Ah ouais, c'est plus facile, ok. Mais avec mes élèves de stand-up, il y en a que je suis depuis 7 ans. Ok. Tu vois, qui ont commencé tout petit, puis qui grandissent, je les vois évoluer, faire leurs études. Et qu'est-ce qui t'apporte, eux? C'est énorme. J'ai des élèves qui viennent de tous les milieux socio-économiques et culturels possibles. J'ai des petits jeunes de banlieue qui viennent du 93 pour suivre mes cours. Il y en a qui sont en fac de droit. Il y en a un qui est devenu prof alors qu'il était vraiment d'une zone compliquée dans le 14e. Tu vas Porte Didot, c'est un peu chaud. Ils s'entendent très bien entre eux, il y a un soutien, une bienveillance collective. Donc au-delà des cours, si tu veux, il y en a quand ils vont pas bien. Ils viennent juste là. Pour changer les idées plutôt que d'aller traîner dans la rue. Donc c'est un vrai mouvement social qui se fait. Mais à plusieurs. Mm-hmm. Il y en a qui a créé une assoce à travers le cours pour soutenir les autres, pour faire des scènes ouvertes. Ah, c'est bien. Donc c'est, tu vois, c'est comme une famille. Hein. Soudé. Voilà. Soudé. Est-ce que tu vois que certaines personnes à travers ça vont arriver à devenir professionnelles? Il y en a un qui est semi-pro et qui, je pense, va y arriver parce qu'il est extrêmement doué. Il est drôle en plus. Okay. Tu vois, il y a des gens qui ont vraiment ce que lui connaît. Et lui, il a ça, je l'ai toujours dit. Il est super. Il y en a en tout cas qui vont s'en sortir dans la vie grâce à ça. Ah et oui. Rien que ça. Ah c'est... Oui. On avait notre spectacle mardi dernier. Il y en a un qui est un gamin qui vient de la ZEU, tu sais, qui était à la DAS. À la DAS, oui. Qui n'a pas été élevé par ses parents. Okay. Qui là est en train de revenir vers sa mère qui vient de passer le bac. Je pense qu'il aura pas. Ah, c'est au moins il a passé. Que... Il a 20 ans, tu vois, il était quasiment à la rue, il a passé le bac, il voulait absolument faire de la scène, parce que sa mère est comédienne aussi. Ah oui? Pour faire comme maman. Et puis, il avait plein de choses à apprendre. Il n'arrivait pas du tout à se concentrer. Il tenait 5 minutes, puis après, il partait dans tous les sens. Là, il arrive à se concentrer 15 minutes. On a bossé. Il a voulu passer la scène finale du Dictateur, qui n'est pas du tout comique. Il non. a dit, je veux bosser ce truc-là. Celui muel où il fait des mimiques. Des trucs, il dit, je ne suis pas un... ça commence par... ça, c'est de Charlie Chaplin. Ouais, c'est, okay, là, c'est, okay. c'est le Dictateur de Chaplin. La scène finale, tu sais. Oui, oui. Il arrive en Hitler et il dit je ne suis pas un... Et c'est à la fin, un empereur. Oh, oui. Et il a fait un progrès là, on ne sait pas ce qui s'est passé, on était tous, on avait des larmes aux yeux. Il était planté, il était dedans, dans ce qu'il disait, il nous a vraiment... voyagé, il vous a fait voyager. Ouais. Ouais. Il vous a surpris. Ah, il nous a scotché, vraiment. Il a fait un bon... Et je pense qu'il va pouvoir aller plus loin maintenant en comique, parce qu'il a envie d'y aller, il a envie de raconter son histoire à travers des sketchs, ce que je trouve vachement fort et intéressant. Ouais. Heaven to

C'est le travail aussi. Oui, oui, oui, c'est ça. Mais c'est de ne pas avoir l'air de travailler. C'est ça. Ça, c'est comme une gymnaste. Hein, elle sourit toujours, mais il y a du travail derrière. Oui, on dit ça des danseurs. Oui, mais il y a une phrase là-dessus qui... Ah oui, c'est l'histoire de Picasso. C'est une bourgeoise, il était à Paris, hein, il travaillait à Paris, puis il prenait un petit verre, disons ici, et il y a une bourgeoise qui le voit. « Ah, pouvez-vous me tirer le portrait? » Il dit « Oui, venez ce soir, puis je serai dans mon studio, donc dans mon atelier. » La dame arrive avec son caniche. Donc, il dit, ouais, installez-vous, prends un crayon, fais 3 minutes le croquis et regardez. Ouais, mais 3 minutes, mais 65 ans derrière c'est moi. C'est ça, ouais. Voilà, tu sais, c'est d'avoir l'air, tu sais, le travail est là. Tu sais, c'est bien beau, ça prend 3 minutes, mais il y a beaucoup de travail en arrière, là. C'est... Le comédien, c'est aussi ça. Le chanteur, c'est aussi ça. Tu sais, peut-être que tu montes sur scène, puis tu viens de te... Je sais pas, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais tu vas jouer, malgré tout. Le show must go on, le spectacle continue. Complètement. Et c'est... Le spectacle est toujours là, quoi. Oui, malgré tout, malgré ta vie privée. Et c'est ce que t'aimes aussi, ça. Et c'est la force de la chose, en fait. Oui. Ben oui. C'est pour ça que quand on parle de passion, on y est, quoi. Ouais. D'accord, quand t'as une grippe, que t'es malade, machin, mais tu sur scène. D'ailleurs, t'es plus malade quand il y a. Oui, oui, une fois que t'as fini. Mais c'est ce qu'elle disait aussi hier. Oui, oui, c'est ça, t'as plus rien, tu sens plus rien. Ouais. C'est comme. T'es porté par une autre énergie, quoi. On parlait de vieux comédiens qui, dans la vie, étaient plus chétifs. Puis sur scène, c'était plus vrai, là. C'était. Oui, c'était qui marche, qu'on est 88 ans, là, oui, c'est ça. Ils sont plus comme Philippe Noiret, qui était très malade, qui marchait avec une canne, mais sur scène, il prenait un rôle, puis lorsqu'il ressortait. De scène, ben, il prenait sa canne. Il prenait sa canne, ouais. C'était plus le même. C'est ça, c'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Bouquet aussi, Michel Bouquet, qui est encore comme ça, qui joue des œuvres incroyables, qui a la mémoire, que j'ai eu la chance de le rencontrer, parce qu'il était à côté de moi quand je suis allé voir une pièce de Huster. Ouais. Et lui, il ne savait pas, Huster, que son grand ami Bouquet était là. Et en fait, la lumière est descendue. Il y a quelqu'un qui a amené une chaise. Il y a un vieux monsieur qui s'est assis à côté de moi. Et moi, je regarde. Il me semble, c'est ça, mais il me semble qu'il me fait penser à Michel Bouquet. Et donc, le spectacle a lieu. Il fait le rôle d'un curé. Et puis, la lumière s'allume, les applaudissements. Et là, il regarde, il voit. Il dit « Heureusement que nous ne savions pas, nous et notre équipe, qu'un grand homme de théâtre... » Et là, il lui a rendu hommage de toute beauté. C'était en après-midi, un dimanche. Là. Ouais. C'était un moment extraordinaire. Et moi, il était devant moi, puis tout le monde était assez... Et toi, c'est ce qui t'anime au théâtre, c'est de sortir de toi-même, c'est de devenir une autre. Ouais. Et c'est pour ça que tu as résisté. C'est peut-être ça qui fait que je suis restée. Ouais. Et je suis restée aussi parce que je pense que j'ai encore des choses à transmettre. Ah, t'as des choses à dire encore. Je sais pas forcément mais quoi, que mais... Ouais, ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que t'as... C'est ça que t'avais demandé, non? Non, non, pas du non, tout. Non, non. Mais qu'est-ce qui t'a amené aussi à faire de la chanson, à toucher à... Je suis fan de comédie musicale. OK. Depuis toujours. Des années 50? Mon rêve, c'était... Mon rêve, c'était de faire la Juilliard. Quand j'étais petite, tu sais, j'avais vu Fame, toute petite, ça a dû sortir dans les années 80. Oui, oui, oui, oui, oui. Et je voulais faire ça. Puis en France, le système n'était pas... Tu voulais faire quel rôle? Ah, donc Fame, la black, là. Oui, les cheveux noirs longs. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux? Qui est d'ailleurs dans une autre série. C'est pas dans... Je l'ai... Ah non, c'est la métisse, elle est dans... Je crois que c'est elle qui fait le rôle de The Good Wife. Oh, mais là, elle doit rendre... Elle a 55, hein, ouais, okay. Ouais. Ouais. 50-55, elle est géniale. Et ouais, c'est un de ces personnages-là, tu vois, Nana qui danse, qui chante, qui joue. Ah oui, oui. Et moi aussi, c'est celle que je me souviens d'enfant. Ah, c'est ça, elle nous a marqué, je crois. Ouais, elle ouais, était ouais. Remarquable. Oui, oui, oui, oui, oui. Et dans les années 80, il n'y avait pas trop ça en France. Maintenant, tu as plein d'écoles de comédie musicale, mais à l'époque, pas trop. Mais cabaret aussi, dans les années 70, ouais, de Minelli. Cabaret, puis alors, ma mère, elle était sur Les Misérables. Oh. Oui. Était sur Les Misérables, montée par Rossène, qu'elle fait après une tournée en Angleterre extraordinaire. Ah, mais lui, c'est un cinglé de grands déploiements. Oui. Tu vois, il y a la musique de Michel Schoenberg et Alain Boublil sur ce truc. Qui a été, ils ont gardé la musique originale, hein, sur la version des mises en anglais. Okay. Donc, voilà, moi, j'ai été bercée à ça. Ah, tu peux toucher à ça un peu là. Ah, écoute, je prends des cours depuis des années, j'adore chanter, je crois que je chante pas trop mal. Okay. J'ai du mal encore en audition. Ah ouais. Pourquoi t'es pas encore à l'aise? Parce que, pour le coup, le chant, encore plus que le théâtre, si tu veux, avec le trac... Ah oui, la voix se noue. Quand t'as plus de... Ouais, la voix se noue. La boule. Exactement, la boule, et puis bah, il te faut de l'eau, machin, voilà. Donc ça va beaucoup mieux quand même, mais ça a été long, c'est un long... La voix, c'est vraiment... C'est un processus, hein. Ouais, c'est un processus vraiment intérieur, je crois. C'est le plus... Ouais. Un instrument de musique, c'est extérieur, donc tu quoi vois... Quoique ta... Ouais, mais ta voix est un instrument de musique. Et complètement. C'est ton propre instrument. Le corps et la voix du comédien, c'est son instrument entier. Exact. En tant que comédienne, ça va, mais quand c'est le chant tout seul, j'ai peut-être pas encore fait le lien, tu vois. Alors, je vais tranquille, hein. Travaille sereinement. Mais tu travailles chez toi ou si tu prends des cours? Ouais, j'ai une prof géniale. Ok, t'as un professeur qui te... Ouais, j'ai une prof depuis... D'années, vraiment j'adore. Et ce qui t'attire, c'est ça, c'est de faire des comédies musicales ou de faire des albums, de monter sur scène Non, plutôt comédie musicale. Okay. J'aimerais bien danser, chanter, jouer. J'ai un projet, faut que je demande les droits du truc, mais sur un bouquin génial pour les enfants, où il y aurait de la musique, il y aurait de la bossa et du jazz, et je chanterais dedans, tu vois, ça m'est comme bien ça. Ok, comme Mary Poppins un peu, là, les enfants et des. Mary Poppins, ça c'est une de mes comédies musicales préférées. Ah oui, oui, ok. C'est extra. Ouais, ouais. Parce que là, t'as tout. T'as le rêve, t'as le côté je tire du chapeau, t'as la magie, t'as la féerie, t'as la magie, t'as le dessin animé qui est mélangé. J'adore. Le personnage, c'est fantastique. C'est t'as le rôle aux enfants, le rapport aux enfants. Oui. Et t'as l'éducation des enfants, t'as le féminisme aussi dedans, c'est les premières choses. Tout est touché. Voilà, moi, c'est vraiment une de mes comédies musicales préférées. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et à force de toucher à tout, est-ce que tu prends le temps de. Qu'approfondir aussi. Il y a trop de. J'essaie d'approfondir au maximum mon art. J'ai fait énormément de stages avec un coach américain, d'ailleurs Bernard Hilaire, pendant deux années. J'ai fait 15 stages avec lui, on l'a accueilli. Le coach américain de Carrois. Je suis allé à Avignon ou ça se donnait où ces cours-là? Partout, à Londres, à Paris, à Los Angeles, à Rome. Et tu suivais là? Je l'ai suivi pendant 4 ans partout. Et puis après, comme je suis devenue prof, c'était plus compliqué pour moi de me déplacer. J'ai fait un stage avec sa femme aussi qui faisait des stages de comédie musicale. C'était génial. Okay. Le pétale ou l'épine, le soleil ou l'ombre, je ne sais que choisir. J'ai peur de creuser ma tombe. La rivière ou le lac, en douceur, en trombe. Cet insupportable trac, le vibreur ou la bombe. Si jamais je suis l'un de vous, je ne serai pas un atout. Non, et le premier mot que j'ai su, j'étais un garçon, et que ma mère était déçue, et que mes cheveux n'étaient pas blonds. Et quand je me suis aperçu que ce n'était pas ma vraie maison, j'y suis passé inaperçu, écouter l'histoire d'un garçon. La caresse ou l'ambre, maman, voici quelques roses pour faner dans ta chambre. Le truand ou la brute, la musique de chambre, cet insupportable truc, les deux lèvres ou la langue. Si jamais je suis l'un de vous, je ne serai pas un atout. garçon. Histoire d'un garçon. Histoire d'un garçon. Je rentre en formation, mais pour le diplôme d'État de prof de théâtre. Je sens qu'au niveau pédagogie, si tu veux, humainement, c'est hyper riche, et que j'arrive à mes propres limites, moi, parce que c'était empirique, ma façon d'enseigner. J'ai appris sur le tas parce qu'on m'a demandé. Donc j'ai envie d'aller plus loin, de retravailler aussi tout ce qui est culture théâtrale, prendre la pédagogie, tu vois, dans les bouquins, pour en faire après quelque chose, pour me nourrir et pour pouvoir aller plus loin encore avec mes élèves. Et qu'est-ce que tu fais avec le cinéma? Est-ce que tu as mis ça de côté ou j'ai mis un peu ça. Alors j'ai mis ça de côté, mais pas vraiment par choix, donc je ne lâche pas l'affaire. Et en fait, comme j'ai plus d'agent depuis quelques années, parce que mon agent elle a mis la clé sous la porte, comme plein d'agents. Mais pourquoi tu... Mais il y a tellement d'agents, pourquoi tu n'as pas... J'ai frappé à d'autres portes, ça n'a pas collé. Et puis je me suis dit, bon, si ça ne veut pas prendre, c'est que ce n'est pas par là que ça se fera. Okay. Donc, alors c'est toi qui gères tes choses? Ouais, alors les copains casting qui me connaissent, ils m'appellent directement, donc je tourne de temps en temps. Je tournais beaucoup, beaucoup à une époque, donc c'est vrai que je tourne plus et que j'aime bien ça. Ok. Et là, on a le projet dans la compagnie. Là, mais tu joues dans des courts, des longs, des moyens métrages? J'ai fait beaucoup de séries télé pour ados. Ok. Ça, c'était vraiment pas fait exprès, hein. C'était pas fait. Ok. Et j'ai fait plein de guests sur des séries, puis j'ai fait 3 longs métrages et pas mal de courts métrages, et il y a eu des très, très beaux trucs. Hein. Ok. Et qu'est-ce que... Là, tu l'as mis de côté parce qu'il n'y a plus d'agents qui s'occupent de ça, donc parce que tu sais pas ce qui se passe non plus. Moi, je sais très très bien vendre les autres. Ouais. Me vendre moi, c'est compliqué. Ok, bah oui, là, t'es trop proche de ton... Négocier pour les autres, je me rends compte que je sais bien faire, vraiment. Okay. Je mets plein de gens en contact quand il y a des plans, je le fais, mais tu vois, il peut y avoir des annonces, je me dis même pas, tiens, ça pourrait être pour moi. Tu vois, il y a un truc là-dedans qui n'est pas bon. Donc, je vis ma vie. On a le projet de faire un court-métrage dans la compagnie avec Brigitte, les autres personnes de la compagnie. Mm-hmm. Mm-hmm. On est en train de chercher un scénariste, un réalisateur, et on va se faire un truc à nous. C'est plaisir, bien, tu vois. C'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Est-ce que tu es une fille de groupe? Est-ce que tu es une fille de clan? Tu te sens plus à l'aise? Non, mais ouais, équipe, ouais. Là, ouais, c'est ça. Bosser avec, Alors, en plus, il y a des équipes très solides. Moi, j'ai plusieurs familles de cœur, tu vois. Okay. Des familles d'enfance. Oui, ben elle aussi a parlé de ça. Mais oui, mais en plus, nous, c'est, l'émulation du groupe, elle est hyper importante. Parce que c'est riche. Oui, on n'est pas dans un truc de on n'a jamais cherché un truc de starisation. Et voilà, c'est ça. Dans un truc de tout. Exact. Le directeur de notre école, Claude Mathieu, il est vachement dans quelque chose de troupe, et tous les gens qui sortent de cette école font des compagnies, tu vois. Oui. Les compagnies bossent ensemble. Mais en format des compagnies ou plusieurs compagnies, arrivez-vous à en vivre un peu? Toi, parce que tu es enseignante, là. Mais est-ce que... Écoute, moi, en fait, non. Moi, je m'en sors parce que je suis hyper active de nature. Okay. Ma névrose, elle me sert énormément parce que je bosse tout le temps. Ah oui. Donc là, ce qui est plus lourd, c'est qu'avec une compagnie, tu as beaucoup d'administratifs et que je gère aussi ça en partie. Non, est-ce que tu te sens à l'aise là-dedans? Est-ce que tu te sens à l'aise dans l'administration? Ou tu te... J'ai tout appris. C'est pas forcément fun, tu vois, mais... Mais c'est pas le plaisir que... Le même que de jouer sur scène, c'est... Non, le plaisir, il est toujours... Dès que je peux apprendre quelque chose, je suis contente. Parce que je me suis dit, voilà, tu vois, j'ai pas perdu ma journée, j'ai appris un truc aujourd'hui. Ok, oui. Après, quand tu sais faire, ça va plus vite. Donc c'est toujours bien de pouvoir demander à des gens qui sont compétents, parce que tu te dis, bah, voilà, le truc, il est fait en deux secondes. Et donc, en même temps, ça te donne une vision de l'ensemble du milieu artistique. Ouais, complètement. Est-ce que tes parents sont contents de ce que tu fais? Je crois même qu'ils sont fiers. Je crois même qu'ils sont fiers, je le sais pas forcément par eux, mais par d'autres gens qui me le disent. Ah, c'est rigolo, c'est gênant aussi de dire à sa fille. Ouais. Et donc, ils sont peut-être heureux de voir que toi, tu t'es rendu plus loin parce que tes convictions étaient autres. C'est possible, tu vois, ça, j'ai pas demandé non plus, mais. Moi, je fais. Dans les relations humaines, je sais pas comment ça se passe pour chacun, mais moi, j'ai longtemps attendu plein de choses des parents. Okay. Hein. Je crois que j'attends plus, je les prends pour ce qu'ils sont et les rapports qu'on a sont ce qu'ils sont, ce qui fait que les choses sont simples, tu vois. Ça ne nous empêche pas d'avoir des discussions de fond. Mais est-ce... Les questions existentielles qu'on pose quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, 25 ans, et qu'on dit aux parents, bon alors maintenant, tu vois. Est-ce que tu es le genre à attendre que le téléphone sonne ou c'est toi qui provoque la sonnerie? Non? Non, alors peut-être pour le cinéma. Peut-être pour le cinéma et la télé. Comme j'avais un agent, tu sais, les agents, c'est comme les parents avec les enfants. Ouais. Les agents, ils gèrent pour toi. Ouais. Quand t'as un agent n'est plus là, bah, tu sais pas forcément comment faire. Donc peut-être que ouais, pour le cinéma, la télé, j'aimerais bien qu'on m'appelle de temps en temps. Ouais. Pour me dire, ah, tu ferais pas ça de moi-même, je vais pas passer un côté. Sauf si je connais les gens. Pourquoi c'est la timidité? J'aime pas demander. Ok, ah voilà. Et peut-être j'aime pas, donc je ne sais pas faire. Ok. C'est peut-être plutôt ça. Ok. Donc j'ai force de proposition, mais pas... Est-ce qu'à une certaine époque, les rôles arrivaient plus facilement? Sens-tu que... Vache! Oui, hein? Oui, alors en même temps, j'ai plus pas... le même âge. Hein. Et moi, dans les années 90, j'arrêtais pas de bosser. Je me posais pas la question de savoir s'il y avait du travail ou pas. Tout le monde bossait. Oui, oui, t'étais dans l'action. Les jeunes qui sont là, qui ont 18-25 ans, mes élèves, je me dis, mais les pauvres, quoi. J'aimerais pas être jeune comédien à leur âge. Parce qu'il y a trop de propositions, il y a trop d'acteurs. Non, mais exactement. Les cours Florent, c'est... Non, mais les cours Florent, c'est épouvantable. C'est aussi pire qu'Avignon. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Mais c'est parce que les comédiens, il faudrait être honnête lorsque tu enseignes et dire, écoutez, vous allez 3-4% à en envie. 3-4%, c'est rien. 3-4%. Le directeur d'école, il dit ça du matin au soir en disant là, il y en a 3 ou 4 qui vont faire ce métier. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Et je me rappelle, et on se rappelle tous, quand nous on était sur les bancs de l'école, on disait, ouais, c'est ça, tu vas voir, pas moi. Ben oui, mais oui, ben tout le monde veut se voir comme Aznavour en haut de l'affiche. Hein. Tout le monde. C'est certain, sinon tu ne fais pas ça. Hein? Moi, je sais comment ça fonctionne. Hein? Le type qui... Il faut être audacieux. Il faut être... Alors pour le coup, moi, je savais que c'était galère, vraiment. Okay, bah oui, puis tes parents te l'ont. Ouais, ouais. Donc, je savais dès le départ. J'avais vécu au quotidien. Si ouais. Mais je ne sais pas ton propre quotidien, toi. Mais surtout que tu as décidé, toi, de t'affronter le truc. Ouais. Est-ce que tu étais le genre à en parler à tes... aux étudiants, à tes amis étudiants du même âge, regarde, moi j'ai vu mes parents, puis c'est pas aussi facile que toi. Ah ouais, bien sûr. Et puis eux, écoute, toi c'est peut-être comme ça, mais moi ça sera pas... Non, parce que c'était vraiment une chouette ambiance à l'époque de Mathieu. C'était vraiment solidaire, voilà, il y a un truc de solidarité. Donc quand on échangeait, qu'on parlait, il se doutait que ça allait être ça. Il n'y avait pas forcément tous les éléments, donc c'était bien de partager ça. Oui, parce que toi tu avais déjà des racines. Ouais. Est-ce que... Maintenant, avec les années, et comme tout le monde a vieilli, as-tu peur de ce qui va arriver parce que les femmes ont de moins en moins de rôles avec le temps? Non, moi je pense que ça va être le contraire de ce qui se passe avec l'AFA. Alors, je suis en même temps très optimiste et très pessimiste sur le monde en général. Donc ça se trouve, dans 20 ans, on n'est plus là parce qu'il y a eu la bombe, parce qu'il y avait une guerre avec ce qui se passe avec les réfugiés. Enfin, c'est monstrueux ce qui se passe. Ouais, c'est pour ça. Tu vois? Donc, je suis optimiste... c'est la catastrophe. Mais je suis optimiste en me disant que de toute façon, il y a toujours des moyens de rebondir. Ah, mais ça ne peut pas être pire. Hein? Donc forcément, il y a autre chose qui va arriver. Il y a un moment où, bah, tu vois, c'est... On est quand même au bout d'un truc, partout. Ça va. Que ça soit la mondialisation, que ça soit les problèmes d'écologie, que ça soit les problèmes de malnutrition dans le monde, ou de surnutrition et de malnutrition, parce qu'en Occident, c'est ça qui se passe quand même. Les problèmes d'obésité et tout, c'est juste parce que les gens n'ont plus l'habitude de bien se nourrir. Ouais. Et mangent trop gras, trop sucré, trop machin. On a plein d'allergies qui se développent en France. Moi, j'en fais plein. Et moi aussi. Tu vois, aussi, mais, voilà. Parce que la qualité de l'air est pourrie, parce que la pollution, tout ça. Donc, c'est ça. J'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide? Oui. Ah, l'eau. Moi, j'aime beaucoup l'eau. De quelle sorte? L'eau de la mer, l'eau minérale, l'eau des rivières... Mais pas l'eau du robinet. Ah si, je bois de l'eau du robinet. Moi aussi. Moi, je suis un peu contre les bouteilles d'eau. Moi aussi. C'est gratos, hein, donc... Alors, en fait, je dirais eau et champagne, parce que j'aime beaucoup le champagne. Ah oui, et surtout l'effervescence. Exactement. Oui. Puis c'est festif. Hein? C'est festif. On sait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Là. Avec une petite coupe de champagne, c'est bien. On a même le petit rictus qui va avec quand tout on entend le pouf. Donc il y a les deux. Oui. Est-ce que ça arrive souvent, champagne? Là, je me suis mariée, donc depuis un mois, on avait pas mal de champagne. J'aime beaucoup ça. Ah, vous êtes encore au champagne? Ouais, on avait pris plein de caisses. Non, mais encore aujourd'hui? Je sais pas, une fois par semaine en ce moment. Ah, c'est pas mal. Mais on a décidé de faire des... Est-ce que c'est de la vodka cuco ou... Non, mais c'est un super champagne qu'on est allé chercher chez un cultivateur champenois. On est allé en bagnole chercher les caisses. Okay. C'était sympa. Okay. Non, on n'est pas... Ah, mais comment il s'appelle ton champagne? Je sais plus. OK. Parce que moi, j'ai fait les vendanges à côté de Reims, à Champillon. Champillon. Tu connais Champillon? De nom, ouais. OK. Et en fait, c'était la famille... Comment? Au Tréau. Ouais. Et j'ai bu du champagne au Tréo. Puis le bonhomme m'a dit à un moment donné, oh mais tu vas voir, je vais te faire goûter un vin supérieur, on s'en va là, dans la bourgeoisie. Puis, il m'a fait goûter de la veuve Cliquot. Étrangement, je voyais pas trop de différence. Ah là, il était flatté de... Mais c'est vrai que tu payes pour le nom, hein? Beaucoup. Voilà. Si tu étais une ville... Paris. Quel arrondissement? C'est pas un arrondissement, c'est un espace qui est autour de la Seine. Okay. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe entre le Marais, le 5e et le 6e. Ah oui? J'aime beaucoup le quartier latin et le Marais. J'ai habité, moi, dans le vers Sully-Morland, Paris. Les années, j'adore. Mais c'est-tu déjà préparé ou tout est fait? Oh là là, le spectacle il tourne depuis septembre. Okay, donc, il est bien rodé, mais alors on travaille toujours, mais pour le plaisir. Ouais. C'est humainement, là, c'est une expérience géniale. Est-ce que c'est une salle intéressante, 100, 150 personnes? Non, c'est beaucoup plus petit. De toute façon, c'est un seul en scène, donc c'est intéressant d'être dans un truc plus intimiste. Okay. Donc là, il joue à Les Saillons, la salle est superbe, c'est une petite salle toute en pierre, justement, si on parlait des vieilles pierres. Est-ce qu'on peut parler de guichet fermé à Avignon? Ou c'est rare? C'est les gens qui passent qui vont au théâtre ou... Mais je sais pas, je peux pas te dire. Okay. En plus, je me suis pas du tout posé là. Je me suis posé aucune question sur Avignon. Et c'est quoi, c'est 20 soirées?

c'est les Maorais. Et puis il y a les gamins qui parlent les autres langues, mais qui sont assez proches, ils sont tous cousins. Donc oui, c'est une barrière, mais c'est pas une barrière. Parce qu'il y a les expressions du visage, parce qu'on peut dessiner, parce que... Voilà, puis aussi la communication. Non-verbal, ça va être... voilà, si on part, ça va être extraordinaire, je rêve qu'on y aille. Mais ça, as-tu déjà fait des pièces as-tu joué dans une autre langue? Je dis, non, as-tu présenté une pièce francophone dans une autre... ailleurs que... Non, moi j'ai tourné en anglais, j'ai travaillé en anglais, qui n'était pas ma langue maternelle, donc ça c'est vachement intéressant, j'adore ça. Non, j'ai assisté à un truc sublimissime il y a quelques années à Lille, au Théâtre de la Métaphore, quand Daniel Mesguich était directeur. Il y avait un festival international de théâtre, je crois. Et il y avait une pièce, il y avait une troupe israélo-palestinienne qui présentait Roméo et Juliette. C'est un de mes plus beaux souvenirs de théâtre parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Alors c'était sur-titré, hein. Oh oui, mais c'est comme on voyait en un festival à Québec, hein? Puis des pièces qui ne sont pas francophones sont sous-titrées. C'est sublime ce qui se passe parce que tu reçois au-delà de la langue, quoi. Et des fois, tu abandonnes les sous-titres parce que tu veux rien savoir. Moi, je veux rien savoir de ce qui était. Tu veux juste recevoir ce qui se passe. Et je trouve que c'est hyper puissant. C'est souvent plus puissant. Ah oui, les chars de poule viennent quand même. Oui, parce que tu... C'est toi qui vibres avec le comédien et avec la pièce de théâtre, donc... Il y a une osmose et parce que lire, tu perds. Oui, complètement. Tu perds ce qui se passe sur scène. Donc, là, tu dis... Au début, tu commences à lire. Ouais, après ça, tu abandonnes. Tu dis non. On connaît Roméo et Juliette, hein? Ça. Alors, on se lance, puis on... Mais c'est le jeu des comédiens. Ça peut être extraordinaire. Oui. Et pour l'avenir, je dois te souhaiter... 3 points de suspension. Ouais, travail, du cinéma. Du travail, mais tu sais que dans le bonheur, qu'avec des gens, enfin que, c'est jamais possible. Non, ouais. J'ai de plus en plus envie de bosser en harmonie avec... Toujours avec la troupe, une troupe. Ouais, une troupe ou différentes troupes, tu vois, mais ouais. J'ai plus envie des séries télé, tu sais, qui sont des trucs industriels à la chaîne. Ou on crée de l'oubli, comme disait Godard. Ouais, complètement. Ouais. Et si on a encore un peu de temps ou pas? Parce que moi, je veux qu'on inverse le truc. Est-ce que je peux te poser les questions que tu m'as posées? J'aimerais bien savoir, moi. Poser des questions? Tu sais, les questions que tu as posées, là, sur le, si tu étais un animal, tout ça. Moi, j'aimerais bien te les poser à toi. Tu veux me les poser? On te l'a déjà fait ou pas? J'aimerais bien savoir. Ben, je l'ai déjà fait sur moi-même, oui, quand j'ai. Oui, à un certain moment, il y a peut-être 10 ans, oui. C'est vrai? J'aimerais bien savoir. Si, par exemple, si toi, tu es un animal. Tu me dis, je sais pas si on a le temps. Ben oui, je peux bien. Quelques-unes en tout cas, parce que je suis curieuse. Moi. Ben, si j'étais un liquide, sans doute un Porto. Oh, c'est bon le Porto, je suis d'accord avec toi. Si j'étais une ville, ben Québec, ma ville. Si j'étais une langue, ben le français. Si j'étais une époque, actuellement. Ouais. Si j'étais un mot surréaliste. Ouais. Si j'étais un aliment, un steak. Si j'étais une saison, l'hiver. Si j'étais un membre corporel, une main. Une main. Je me suis demandé si tu allais dire main ou pied. Non, main. Non, pied. Non, je préfère avoir les mains fonctionnelles. Si j'étais un moment de la journée, ce serait la nuit. Ouais. Et si j'étais un autre individu, lui, ça. Peut-être deux. Peut-être non, trois. C'est des chanteurs. Ouais. C'est Boris Vian. Oh là là, C'est Annabelle Schoen et Serge Gainsbourg. Voilà. Que des francophones. Oui. Ah ben, je pourrais dire un Québécois, tu sais. Ben ouais. Ben, pour peut-être classique, Félix Leclerc. Mmh. Ouais. Parce que tu le connais. Oui, non, mais j'en connais d'autres. Jean Leloup, est-ce que tu le connais? Mais bien sûr. Ah oui? Ben oui. Comment ça, tu le connais? Ben, j'ai de la famille québécoise, j'ai Brigitte autour de moi. Enfin, tu vois, il y a des... Ah oui? Ben, Jean Leloup, moi, ce qui me plaît chez lui, je voudrais pas être Jean Leloup. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on a amené chez cet homme-là une fausse représentation de lui-même. Parce que, et ça, quand tu es un créateur, il en faut. Il faut pas être collé au réel. Il faut être ailleurs. Et Jean Leloup, on l'annonce comme un peu le cinglé, le gars qui est décroché de la réalité. Mais quand tu écoutes ses chansons, si tu connais un peu, tu vois que ce qu'il écrit, c'est vraiment pas du surréalisme. Non, c'est quelque chose vraiment de l'histoire de tout le monde. Donc, on dit de lui que c'est un type qui transcende, hein, qui vit ailleurs, dans un autre monde, à travers la brume de l'alcool et des drogues, je ne sais pas si le monde. Mais c'est tout à fait, en même temps, pourquoi pas, si c'est pour décrocher puis nous amener une autre réalité. Ça, j'ai rien contre que Martin Artaud qui a d'autres réalités, parce que lui, sa folie l'a amené à ça. Donc, ça n'a rien à voir avec Jean Leloup, mais la folie peut nous donner une autre version du monde qui nous entoure. Et si nous, on n'a jamais emprunté ce créneau-là, lui nous l'offre. Bon, alors pourquoi pas se prendre dans la gueule ce quelqu'un vit avec difficulté? Et peut-être pour ne pas le franchir, peut-être pour ne jamais marcher dans ces sentiers-là. Mais je crois qu'un créateur doit être déconnecté de la réalité pour nous le ramener autrement. Autrement, mais voilà, oui. C'est ça. Toutes les femmes que tu as aimées, je les reconnais. Quelque chose dans leur regard se tait. Chaque femme que tu as laissée seule sur le quai recevra de ma part un bouquet. Il est Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.